T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie et puis on va commencer cette émission en vous souhaitant évidemment une excellente année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, oui. On vous souhaite donc une année 2015 pleine eh bien, de joie, de plaisir et évidemment de bonne musique. Et on va contribuer à cela à notre manière quelque peu modeste, mais on va faire de notre mieux pour vous proposer eh bien, le meilleur de la musique alternative, le meilleur de la musique indépendante. Et bien pour commencer cette émission, je vous propose une nouveauté. Évidemment, on en aura encore pas mal aujourd'hui, pas mal de choses qu'on n'a encore jamais passées. Nous sommes à l'épisode numéro 356 de Planète Indie. Je vous rappelle qu'on se retrouve chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. C'est donc la première émission de 2015 et je vous propose de commencer l'année avec le groupe Jubilee Riots. Ils nous emmènent en voyage puisque le morceau s'intitule Traveler. Bon début de soirée à notre compagnie, nous sommes donc ensemble jusque 18h30. How can I abandon this? pretend that I miss you, and you will not see me. Years have crackled and burned, all these battles won and lessons learned. My scars just part of my skin, and they've made the man I am. But I can still remember the day I was oh so young and open-minded. Now I'm off on my own, but I leave behind these words for you, my father. Is this far enough for you? As I wonder, like we always knew I'd do, I forgive you, but on a night like this I cannot pretend that I miss you, and you will not see me soon. Hey, this is Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. I am nothing like you'd expect at all. Man's gonna make me crawl. Up, down, pushed me right through a wall. I won't make you think that it's wonderful. Thank you. J'espère que vous appréciez la programmation de ce début d'émission. À l'instant dans vos oreilles, The Pink Dust, la poussière rose. On les écoutait avec Out of My Mind, extrait d'un nouvel album. Enfin, quand on dit nouveau, maintenant il date déjà de l'année dernière. Un nouvel album éponyme pour le groupe The Pink Dust. Et puis je vous rappelle, on a commencé l'émission avec The Jubilee Riot, c'est Traveler. On poursuit avec une autre nouveauté. Il s'appelle Comme une ville indienne, c'est Bombay Harambee. Bah oui, ça ne s'invente pas. Le morceau c'est Check, Check, Checkmate. Et puis après, on écoutera I Am Harlequin, I Was in Love. The portion, the pattern, bitter of the rain. I couldn't get enough. Un mosto qui se termine un peu de façon progressive, improvisée. C'était à l'instant Aaron's Promise et Zero Hour. On avait commencé cette émission avec Traveler, un morceau évidemment qui nous incitait au voyage. Et bien, si vous le voulez, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, et du côté de Détroit, puisqu'on va partir à la découverte de notre album Powerplay. Aujourd'hui, il s'agit d'une chanteuse donc américaine accompagnée de son groupe Les Césars. J'ai nommé Laura Rain, comme vous le savez si vous nous suivez depuis quelques mois déjà. Ça fait un certain temps qu'on en parle. C'est vrai que la photo de son album est très vintage. Alors Laura Rain, elle est plutôt une chanteuse de soul, bien qu'elle ait une formation plutôt classique, puisqu'elle a été, elle a été au conservatoire et elle a une formation de soprano. Ben oui, ça ne s'invente pas. Et donc elle est originaire de Détroit, et puis elle a décidé de se déplacer et de se relocaliser du côté de Los Angeles, où elle a élargi un peu son répertoire, puisqu'elle a, elle n'a pas abandonné le blues, mais elle l'a élargi en chantant de la soul, du jazz, voire même du rhythm and blues. Et puis ben, depuis lors, elle écume les clubs de la côte est à la côte ouest avec son répertoire. Elle est accompagnée, je vous le disais, des Césars. Des Césars, alors, font partie de ce groupe. Il y a notamment George Friend, Phil Hale, mais aussi celui qu'on connaît peut-être un peu plus, c'est Ron Pangborn. Pourquoi est-ce qu'on le connaît ? Eh bien, parce qu'à l'époque, il était un membre créateur du groupe Was Not Was, qui a chanté leur fameux morceau Walk the Dinosaur. Ça a fait un grand tube à l'époque, et moi je me souviens de les avoir vus en première partie de Dire Straits à Werther il y a déjà quelques années de cela. C'était vraiment pas mal. Et ce fameux Ron Pangborn, il a aussi chanté avec des artistes de premier ordre, enfin plutôt joué de la musique avec des artistes de premier ordre, dont notamment Sheryl Crow. Donc on parle pas de n'importe qui. Eh bien, je vous propose de me taire et d'en écouter un premier extrait. Je vous rappelle le nom de l'album, ça s'intitule Closer. Et le premier morceau qu'on va écouter ce soir, c'est Awful Sin. C'est Laura Rain and the Césars, c'est notre power play ce soir dans Planète Indie. Power play. Power play. Thank you. understood, but we all get burned no matter how good. You can't push a river, just let it flow. But the hardest thing to do may be to just let go. Make some mistakes, learn right from wrong. You won't miss home till you're already gone. Who wants the shade till the sun is too strong? Why does absence make the heart grow more and more fond? Of contradictions, a whole mess of things, the loving and leaving, the doubting and dreaming, the hope and despair, it's all part of the deal. Ce morceau, j'espère, parce que nous on l'a beaucoup apprécié. C'est un extrait du tout nouvel album de Annie Keating. L'album s'appelle Make Believing et bande de petits chansards. Et bien, vous l'entendez en avant-première puisqu'il n'est pas encore sorti. Il ne sera disponible à la vente que le 15 janvier. Mais nous, on l'a déjà rien que pour vous. Le morceau s'intitulait Now How to Fall. Je vous rappelle, c'est Annie Keating, c'est son nouvel album. Après Lorraine, après Annie Keating, eh bien, pourquoi pas retourner dans une voix masculine. On va l'écouter un extrait, encore un nouvel album. Bah oui, je vous ai dit, en ce début d'année, il y a pas mal de nouveautés. Peut-être que eh bien, tout le monde a décidé de sortir ses CD pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, lui, il n'en a pas sorti un, mais deux. C'est Steve Hill, avec ses solo recordings. J'ai décidé d'aller ce soir sur le volume 2. On va écouter Tough Luck. Voilà, stevehillmusic.com, c'est le nom de son site internet. Et puis tant que j'y suis, eh bien, je vous donne aussi celui de Annie Keating, c'est pas difficile, www.anniekeating.com, et Keating ça s'écrit K-E-A-T-I-N-G. Voilà, place à Steve Hill, on l'écoute avec Tough Luck, et puis après ça sera K.A. Morton et This Town. Mmh.

K.A. Morton, on l'écoutait donc avec This Town. Vous le savez très certainement, si vous ne le savez pas, c'est que vous avez hiberné pendant tout ce temps-là, il y a une dizaine de jours, et bien c'était Noël. Eh bien, il n'y a pas de raison, on va vous aussi vous passer un petit chant de Noël. Bah oui, c'est d'actualité, c'est un peu dépassé, mais bon. Alors cette année-ci, celle qui s'y colle, c'est Carrington McDuffie, et elle nous interprète un morceau intitulé I'm Gonna Lasso Santa Claus. Et puis après, eh bien, on retournera sur notre album Powerplay. Je vous rappelle qu'il s'agit de Laura Raines and the Scissors avec l'album Closer. Hi, my name is Carrington McDuffie, and you are listening to Planet Indie. I'm gonna lasso Santa Claus, and I know just why, because I'm gonna pull, pull, pull on his beard, pull, pull, and see if it's real. I'm gonna tick, tick, tickle him on the tummy, 'cause he laughs so funny. He's so jolly and so fine when he comes around Christmas time. I'm gonna lasso Santa Claus, and the reason is because I know a boy and girl he never goes see. He never brings them toys like he does to me. I'm gonna pop, pop Santa Claus with my water pistol gun, bang, bang. And then I'll take his bag of toys and run and bring to all the kids who don't have none. Je vais lasso Père Noël, monsieur. Et je sais pourquoi, c'est parce que je vais tirer sur le barbe comme ça. Est-ce authentique ce barbe-là? Je vais chatouiller sur le bidouille, car son rire est vraiment drôle. Il est si gai et si bien quand il se plaint à Noël. Je vais lasso Père Noël. Il y a un garçon et une fille, ils n'atterrissent jamais sur leur toit, jamais, pour les jouer comme il fait pour moi. Je vais pop, pop, pop à Noël avec un pistolet à eau, boum, boum. Et puis je saisirai son sac des jouets pour distribuer aux enfants qui n'ont rien. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Joyeux Noël. Ben voilà, c'était notre petit rappel à nous de cette période des fêtes. Carrington McDuffie avec une chanson, I'm Gonna Lasso Santa Claus. 17h44 minutes et 30 secondes, on est pile poil à la moitié de l'émission. Et on est pile poil dans les temps, on est à la moitié de la programmation de ce soir. Donc tout est pour le mieux. Retour donc, je vous l'avais dit, sur l'album de Laura Raines and the Scissors. L'album Closer, c'est notre album Powerplay ce soir. Eh bien, Laura Raines, je vous avais dit qu'elle est originaire de la ville de Détroit. Effectivement, sa maman était une adepte de musique funk et son papa, lui, il écoutait de l'opéra. Elle était enfant unique et puis elle passait tous ses étés du côté de Chicago, encore une ville musicale aussi. Chicago, la ville où la famille du côté de sa mère résidait. Elle a commencé très très jeune sa carrière musicale, on va dire, puisque dès l'âge de 5 ans, elle écrivait déjà ses propres chansons. Et puis sa chambre, c'était sa scène, et elle s'imaginait comment elle allait se produire devant un public nombreux en chantant et en dansant. Non seulement elle écrivait ses propres chansons, mais en plus elle créait aussi ses propres costumes, et puis elle allait parader comme ça dans les quartiers de Détroit. Ainsi habillée. Puis je vous parle de Détroit aussi parce que ça me fait penser. Je vous ai mis sur la page Facebook de Planet Indie une petite, petite, elle est pas si petite que ça, elle fait pratiquement un quart d'heure, une vidéo promo pour cet album Closer de Laura Raines. Et au tout début, dans les premières minutes, il y a un des musiciens qui est interviewé, et il est juste interviewé devant la petite maison où l'aventure de la Motown, puisque la Motown Company, elle a commencé à Détroit. Et bien on la voit là en arrière-plan, et j'imagine que c'est fait exprès qu'ils ont pris la vue à cet endroit-là. Voilà, ça c'était un petit aparté. Et puis bon, elle a quand même fait des études, Laura Raines, elle a fait des études de décoration d'intérieur. Bah oui, voilà. Elle a fait des études de décoloration d'intérieur. Elle a aussi suivi une formation de chant classique, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'elle était une chanteuse soprano. Mais là, elle a plutôt lancé et orienté sa carrière vers le funky, la soul et le rhythm and blues, si bien que quand elle avait 20 ans, eh bien Laura Rein, eh bien elle se produisait déjà 5 soirs par semaine dans les clubs de la ville de Détroit. Allez, je me tais, retour à la musique. On écoute un second extrait qui s'appelle Super Duper Love, c'est Laura Rein and the Scissors. C'est notre album Powerplay ce soir dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Thank you. Voilà, un style un peu différent de ce qu'on entendait précédemment avec Laura Rain et les Césars. Là, c'était une nouveauté, c'est Fractal Control et Released Mind. Oui, on pourrait traduire ça comme un esprit relâché ou détendu. Ben, c'est pas vraiment, me semble-t-il, ce que la musique inspire. Mais bon, pourquoi pas. On va poursuivre dans une vague un peu électronique aussi. C'est un morceau qui a été repris sur une compilation qui est sorti pour fêter les 10 ans de la maison de disques Tyrk Recordings. Le morceau s'appelle Toys, c'est le Richard, on va écouter le Richard Sen remix, et l'artiste c'est Hetford Vacal. Et puis si vous voulez aller sur le site Tyrk Recordings, c'est www.tyrk-recordings.com. Ils ont sorti une, ma foi, très bonne compilation qui sonne un peu aussi années 80 par certains égards, certains morceaux qui se trouvent dessus. La référence est Tyrk 087, voilà, comme ça vous savez tout. Allez, on écoute Hetford Vacal et Toys, et puis après, ce sera Astronaut avec The Space Will Come Between Us. We'll be right back. Typique du samedi soir, si vous sortez bien tout à l'heure, vous a permis de vous mettre quelque peu en jambes. À l'instant, c'était les Astronauts avec The Space Will Come Between Us. Et avant cela, extrait donc de la compile anniversaire pour les 10 ans de Tirk Records, Hedford Bachal et le Richardson remix du morceau Toys. On se laisse encore quelques petites secondes pour le plaisir. Voilà, malheureusement le temps nous est compté, donc on va devoir couper là, parce que c'est vrai des morceaux assez longs, hein, eux deux ils font pratiquement 10 minutes. D'ici quelques minutes, retour sur notre album Powerplay, l'album Laura Rain and the Caesars, mais avant cela une autre nouveauté avec The Armory et If I Ever. Recognize on Sunday. C'était The Armory, on en entendra encore parler, avec un morceau intitulé If I Ever, et cet extrait d'un album qui s'appelle, quant à lui, Rediscover. Retour sur notre album Powerplay, Laura Rain and the Caesars. On a souvent comparé Laura Rain à des chanteuses comme Aretha Franklin, Etta James ou encore Chaka Khan. Ce ne sont pas des chanteuses de toute première jeunesse. Et d'ailleurs, elle-même, elle dit en riant que, eh bien, elle pense que l'âge moyen de ses fans, eh bien, il oscille entre 40 et 80 ans avec, eh bien, le pic devrait se trouver quelque part autour de 67 ou 70. Donc voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de son groupe et des différents musiciens qu'il y a dans son groupe. On a parlé de Ron Pangborn, mais il y a aussi George Friend, c'est peut-être celui duquel elle est la plus proche, puisqu'elle a avec lui un autre projet, c'est George and Laura Soulful Duo. Et puis elle a une petite anecdote qu'elle raconte en riant à propos de George Friend, comment eh bien, ils se sont mis ensemble artistiquement, musicalement parlant, professionnellement parlant, on va dire. Laura Rain, elle voulait toujours tout faire dans l'ordre. Alors avant de se tracasser de la musique, elle s'est d'abord tracassée d'être engagée pour des concerts. Et puis quand elle a eu son premier concert, eh bien, elle a eu un pépin parce que le gaillard qui devait monter sur scène avec lui, il y a un souci dans sa maison a été complètement inondée, donc George Friend, qu'elle connaissait déjà et qu'elle avait invité à assister au concert, elle lui a dit finalement n'achète pas de billets, je te le paye, tu ne vas pas venir voir le show, tu vas venir faire le show avec moi. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé l'aventure. Elle le considère comme un vrai guitariste de blues, et depuis lors, eh bien, l'aventure continue. On a mis donc cette vidéo sur la page Facebook de Planet Indie, cette vidéo promo pour cet album, où vous verrez notamment, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'endroit où l'aventure de la Motown a commencé, c'était donc à Détroit. Et puis eh bien, pour l'heure, je vous propose de retourner sur cet album. On va en écouter la plage d'ouverture. L'album s'appelle Closer et nous on en écoute un troisième extrait pour ce soir qui s'appelle Seasons. Power Play. Power Play. I never thought these things would change. All along, things can get better. I'm on the edge of reason, hoping for a rescue that you can do, you can do. I didn't know any better before I hit the wall. Thank you.

Si vous nous êtes fidèles, vous avez peut-être reconnu le groupe américain Once an Empire avec Don't Let Go. Avant que de terminer cette émission, je voudrais vous parler aussi d'un atelier vocal qui se tiendra dans les locaux du centre de ressources de la Rocale. Ça commencera le 20 janvier. Un atelier qui vous permettra d'améliorer vos capacités vocales et explorer le monde de vos capacités, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Rendez-vous sur le site du centre ressources de la Rocale pour plus d'informations. Et puis en vitesse, les concerts de la Rocale. Le 17 janvier, ce sera Pedro Abunrosa. Le 20, When Harry Met Fairy. C'est le release party pour l'album The Breach. Le 21 janvier, Isaac Delusion. Le 23, Lost in Pain. Le 25, The Antwoord. Et le 30, Les Brigitte. Le 1er février, spectacle de magie avec les Ehrlich Brothers. Le 3 février, Malky. Le 4, Korn. Le 11, Motorama. Le 13, Philharmonoise. Bah oui, ça se passe à la Philharmonie. C'est du métal à la Philharmonie. Ça change un petit peu. Et puis le 15, c'est le European Tour de Milky Chance. Une autre nouveauté à vous proposer maintenant, c'est le groupe Dream Alive. Vous allez voir, ça sonne tout à fait comme le Foreigner des années 80. On les écoute avec Away From You. S'ils veulent bien se lancer. Voilà. Dream Alive, Away From You. Got to know how I've been missing you. It's been too long since I have seen your face. Time marches on, this lonely road we roam. A million miles and yet your skin feels close. Away from you, away from you, away from you. On vous avait prévenu que ça sonnait comme Foreigner, c'était les Dream Alive, Away From You. Et bien voilà, on arrive tout doucement au terme de l'épisode numéro 356 de Planet Indie, le premier pour cette année 2015 et en 2015 comme les années précédentes. Je serai donc avec vous chaque premier samedi du mois pour vous proposer le meilleur de la musique indépendante. Ça se passera entre 17h et 18h30. Et puis d'ailleurs, cette émission sera aussi rediffusée demain à 17h si vous l'avez manqué. Et puis le podcast sera disponible aussi très prochainement sur notre site internet. Vous tapez trois fois, dans Google Planet Indie. Et vous nous trouverez comme cela. On est aussi sur Facebook. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Voilà, on va se quitter avec un dernier morceau, un groupe canadien, les Cardboard Crowns. Ils ont sorti un album qui s'appelle Global Citizens et puis ils ont une chanson en français qui s'appelle Olé. Et vous allez voir, c'est un peu d'actualité aussi en cette période festive. Voilà, je vous quitte. Je vous retrouve pour le prochain numéro, le numéro 357. Ça se passera le samedi 7 février. Donc, d'ici là, eh bien, passez une bonne fin de soirée, bon dimanche, et je vous retrouve donc le 7 février à 17h. Je vous rappelle, émission rediffusée demain aux mêmes heures et le podcast sera disponible sur internet. Voilà, bonne soirée, à bientôt. Ça va ce soir, je sais qu'il se fait tard. J'en ai marre de te voir assis là dans le noir. Allez, allez, je pense qu'il est encore un aimant. Tu sais qu'il n'a pas tort. Faut le croire, faut me croire pour que tu cesses de voir. Écoute ton cœur sans mensonge, tes frères, tes sœurs et tes anges. Écoute le vent qui change, il te changera. C'est la mort de te voir assis là dans le noir. Allez, allez, je pense qu'il est encore un aimant. Tu sais que je n'ai pas tort. Faut me croire, pour que tu cesses de voir.